Nous sommes... Bonjour. En guerre. Bonjour. En guerre. La matinale des bons cons. De 10h à 11h. Plus ou moins. Bonjour. Alors déjà, vous faites rire, vous imaginez, mais franchement, hors antenne, ça s'enjaille déjà. Bonjour à tous, il est 10h, nous sommes le jeudi. On est jeudi, ouais. 26 mars, c'est fou, j'ai du mal à tenir les jours de la semaine. On se rend compte que c'est un truc totalement factice finalement, peut-être un truc inventé par les gouvernements, les jours de la semaine. Est-ce qu'on n'en aurait pas rien à branler finalement? Est-ce que chaque jour ne devrait pas être un dimanche? Moi, je... Est-ce que chaque jour ne devrait pas être une fête? Je vous pose la question. Ça va, Doug? Doug est avec nous? Oui, bonjour, ça va super. ça quel entrain! Non, mais si. Là, je suis en train de regarder un petit chien qui se balade sur le parking devant ma fenêtre. C'est pour ça. je profite de la vie. Est-ce qu'il a son attestation sur l'honneur? Bah, il a l'attestation sur l'honneur qu'il est trop mignon. Oh. Est-ce que vous pensez que ça peut marcher avec vous, ce genre d'excuse auprès des flics, si vous vous faites contrôler en sortant chez vous? Ah, ça va être chaud, hein. Clairement, je vous avoue que moi, j'ai pas vraiment les skills pour faire passer ce genre d'excuse. Ah, c'est fort dommage. Pourtant, j'ai entendu beaucoup de gens dire de vous que vous étiez un vrai chien. Un petit chien, on a dit plutôt sale chien, tu vois. Ah ouais, non, c'est pas faux, c'est vrai que maintenant que vous le dites, Alors aujourd'hui, jeudi 26 mars, eh bien, pas grand chose dans l'éphéméride, hein. C'est vrai qu'hier, il y avait vraiment énormément de choses. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, bah, je suis désolée, il y a vraiment que chi. Alors, déjà, c'est la fête nationale du Bangladesh. Voilà. Yes. Sinon, bonne fête, hein, comme tous les jours, on fête la fête. Alors, bonne fête aux Larissa et aux Lara. Bah, Lara Fabian, bonne fête. Ah mais oui, c'est vrai, on connaît quelqu'un qui s'appelle Lara, du coup, oui. Lara Fabian. Bon, je sais pas si c'est le meilleur exemple, mais... Parce que toi, tu connais plus de gens qui s'appellent Larissa. Disons que ça me paraît plus familier, Larissa, comme ça, mais je sais pas si c'est lié à mon bronzage ou pas, hein, mais... qu'est-ce que... Ça commente sur le chat? Oh, ça c'est super méchant. Je sais pas si vous avez vu, mon cher Doug, ce message qui vous est destiné sur le chat, mais quand on parlait de vous comparer à un petit chien trop mignon, il y a C'est pas ma cam, que je crois que vous devez connaître personnellement, hein, qui me dit « T'as pas assez de poils, Damien, surtout ». Ah, c'est pas grave, hein. J'ai envie de dire que cette remarque désobligeante glisse sur ma police, voilà. grâce à ça, j'ai la police, non, c'est ça? Moi aussi, c'est nude. C'est nude. Alors, continuez votre éphéméride, excusez-moi. Bah écoutez, il y a Ophélie qui nous dit... Ah, Soukosoulard, pardon. Ouh là là, j'ai dévoilé son identité. Ouais, mais c'est pareil, moi j'ai fait pareil pour le bandoug. Soukosoulard nous dit, je connais une Larissa. Eh ben, incroyable, parce que nous, à part la sauce Harissa, on connaît pas. Non, c'est clair. Wouhou! Alors, bon anniversaire aujourd'hui à plusieurs personnes, hein, que vous connaissez sûrement, hein, des personnes, on va dire, qui dites célèbres. Nous avons l'anniversaire de Léonard Nimoy. Alors, j'avais lu Bernard Minet, moi, c'est marrant. Mais c'est vrai, en plus, j'avais vraiment lu Bernard Minet. Alors que j'ai clairement écrit Léonard Nimoy. Hein. Avec le jeu d'ombre et lumière. C'est Monsieur Spock dans Star Trek, pour ceux qui ne savent pas. Aujourd'hui, c'est également l'anniversaire de Steven Tyler, le chanteur du groupe Aerosmith, et accessoirement papa de Liv Tyler, que vous avez pu voir dans Le Seigneur des Anneaux, par exemple, ou dans Armageddon aussi. Ouais, Armageddon, c'est son père qui fait la musique. Hein. D'ailleurs, un super BO, bien pas cliché du tout, comme Aerosmith, comme Steven Tyler sait les faire. C'est pas en même temps, c'est un film de Michael Bay. Hein, donc... Ah ouais, c'est pas faux. Qu'est-ce qu'on pouvait espérer? Aujourd'hui, c'est également l'anniversaire de Jennifer Grey. Est-ce que on peut dire que c'est l'anniversaire de Steven Tyler, The Creator? Non? Alors, vous comprendrez cette blague. Vous comprendrez cette blague quand Kayman aura fait son point c'est musique. Ça. Non, mais je fais des blagues et en même temps je tease, c'est une double stratégie de com, c'est quand même quelque chose d'assez finement établi, quoi, faut être honnête. C'est vrai. C'est vrai. Si vous êtes. C'est exactement. Si vous êtes né le 26 mars, vous partagez votre anniversaire avec Jennifer Grey. Jennifer Grey qui n'a clairement rien fait à part bébé dans Dirty Dancing. Ah. Voilà. C'est tout. Enfin si, elle a fait des choses. Elle s'est fait refaire le nez. Voilà. On fait ce qu'on peut, hein. aujourd'hui, 26 mars, c'est également l'anniversaire de Keira Knightley. Keira Knightley. Que vous avez pu voir, par exemple, dans Pirates des Caraïbes, dans Love Actually où elle sourit carré. Et dans d'autres films. Pride and Prejudice. Bended Like Beckham. Exactement. C'est également aujourd'hui l'anniversaire d'un monument québécois, Monsieur Rock Voisine. Alors on vous passera pas d'extrait de chanson parce que on parle de Rock Voisine là clairement. Voilà. Il y a tellement de jeunes. Ouais. Quand t'as dit c'est l'anniversaire d'un monument québécois, j'ai cru que t'allais dire bon anniversaire à ma maison. Bah ouais. Finalement les deux sont faits de pierre. Rock voisine, non. Ouais, si, non. Il y a tellement de jeux de mots avec Rock voisine. Est-ce qu'on peut pas tous les faire sortir d'un coup comme ça on est libéré parce que j'ai le sentiment que sinon ça va me travailler pendant toute l'heure. J'ai essayé, elles vont vraiment toutes sortir en même temps. Il y a Souko Soulard qui nous demande si Rock voisine aime la route du rock. Mais je crois que c'est lui qui l'a créé, hein. C'est un hommage à son nom tout simplement. À la base c'était que des imitateurs ou des reprises de Rock voisine. C'était un peu chiant du coup. Mais évidemment, ils ont dû faire évoluer le projet artistiquement, sinon on s'emmerdait un peu, quoi. Alors attendez, je remonte un peu sur une blague de tout à l'heure. Il va falloir qu'on regarde plus souvent le Discord. Nini, parce qu'il y a Nini qui nous dit « Moi aussi, j'ai une Larissa dans ma cuisine pour mes plats en sauce. » Je la trouve très très belle. Merci Nini. Ophélie qui nous dit « Carré Knightley. » Oui, parce qu'elle sourit carré. Ah ouais, okay. Rock voisine, envoyez vos blagues sur Rock voisine parce que franchement, il y en a plein. Faites-les toutes, là. Donc c'est son anniversaire aujourd'hui à Rock voisine, je ne sais pas, peut-être qu'il le passe avec ses amis ou seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Enfin bref, aujourd'hui c'est également l'anniversaire d'une autre queen, hein, une autre de queen. Hier on vous parlait d'Aretha Franklin, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Diana Ross. Ouais d'accord, vous attendez quelque chose? Eh ben on va peut-être s'écouter une petite chanson de Diana Ross du coup. Ah bah allez que c'est quand même pas mal, c'est mieux que Rock voisine. C'est vrai que tu as choisi entre les deux. Et voilà, Diana voisine ou Rock Ross peut-être, ça aurait pu. Ouais. Rock Ross, c'est un peu cool comme nom. Ouais, Rock Ross, ouais, je t'envoie. Rock, ça fait un peu glaire quand même. Ok, bon bah sur cette belle imitation dont on ne sait pas trop quoi, mais dont on ne veut pas deviner l'origine, je vais envoyer Diana Ross tout de suite. We'll be right back. reste chez moi. On est de Ratsor. Alors, je tenais à partager une blague qu'on m'a envoyée via message parce qu'elle est vraiment incroyable. Je suis désolée, Nini, hein, Nini qui était notre invitée lundi, qui m'a envoyé le nom français de Rock Voisine, c'est Pierre Riverain, non ? Excellent. Elle n'assumait pas cette blague, moi je la trouve hyper bien. Donc merci Nini, n'hésitez pas, hein, c'est une émission d'humour. Partagez vos blagues sur le Discord, hein. Donc changement pour cette matinale, hein. Comme tous les matins maintenant nous avons un invité, cet invité est au téléphone avec nous, cet invité aujourd'hui c'est Valentin. Valentin, bonjour. Bonjour. Alors Valentin, pour ceux qui ne te connaissent pas, pourrais-tu te présenter, comment est-ce que tu nous connais, comment est-ce que, voilà, comment est-ce qu'on se connaît en fait? Eh bien, je suis le bassiste du groupe Waves We Wear. Et c'est comme ça que je connais, que j'ai rencontré donc Kéman. Et donc je t'ai rencontré également. Donc voilà. Donc vous êtes musicien, Valentin? Exactement, exactement. Je suis musicien et comédien également. Ah bah dis donc, on a des intermittents ici. Exactement. Alors est-ce que votre morning routine, elle est différente, votre morning routine du confinement est-elle différente de votre morning routine habituelle? Eh bien oui. Oui, étonnamment, parce qu'en fait mon rythme ne change pas forcément en fait de mon rythme en fait où j'étais pas en confinement. Mais du coup, le fait d'être en confinement fait que je sais pas, ma routine a un peu changé. Je me lève plus tôt, voilà, étonnamment. Je me lève plus tôt et puis ouais, ça, je change totalement mon rythme en fait. Ok. Voilà. Et alors le matin, vous êtes comment ça se passe le matin? Vous êtes dans le genre à vous lever d'un coup et hop, vous êtes prêt à attaquer la journée ou vous avez besoin de temps pour émerger? Non, j'ai quand même besoin de temps pour émerger un petit peu. Et alors comment ça se passe? On est team petit déjeuner ou team sans petit déjeuner? Ah si, petit déjeuner obligatoire. Alors est-ce que vous pouvez nous dire de quoi est composé? Je ne démarre pas ma journée sans un bon petit déjeuner. Alors il y aura quoi dans votre petit déjeuner? Alors Kéman s'est foutu de ma gueule quand j'ai posé ces questions-là, mais en fait hier on a regardé Quotidien et il s'avère qu'il pose exactement les mêmes questions. Ouais, je sais pas s'il y a un grand mérite à se comparer aux qualités d'intervieweur de Yann Barthès, parce que c'est quand même une bonne double là-dessus, hein, faut pas se mentir. Okay. On a une question sur le Discord de Nini qui nous demande « Se beurre-t-il la biscotte ?» Eh bien écoute, non, je ne beurre pas de biscotte. Je ne beurre pas de biscotte le matin, mais je coupe des fruits. Voilà, je fais une espèce de salade de fruits dans du fromage blanc avec du muesli, des noix, du chocolat et tout ça. Ah, oh, ça, wow. c'est habile, voilà, ça, on gros, est sur... Gros bol énergie. Avec le reste des fruits que je coupe, j'en fais un jus. Un jus de fruits. Vous êtes un génie. Si je peux me permettre, vous êtes de loin le plus intelligent des invités qu'on ait pu recevoir ici. Hein. Vous avez tout compris à la vie. Et puis le petit mug de café qui va bien. Voilà. Ok, donc, on est sur un... Voilà. Ça donne envie de prendre un petit déjeuner. Ça donne envie de prendre un petit déj, hein. Pas comme Doug, hein, qu'on a entendu tout à l'heure hors antenne se réchauffer un café au micro-ondes. ça va Doug, ça vous donne pas trop les nerfs d'entendre la description du petit déjeuner de Valentin? Non mais le café micro-ondes, c'est la meilleure chose qui a été inventée. Non mais Doug a lui-même ses clopes au micro-ondes, hein, je pense, le matin. La meilleure chose, mais vraiment la meilleure de toutes les meilleures choses. Et je sèche mon linge aussi au micro. Ah, le caleçon chauffé, tout le monde sait que c'est pas mal. C'est vraiment un truc ça? Non. Non, j'espère pas. Non, on sait jamais. Hein. Alors, de quoi sont composées vos journées? Est-ce qu'en tant qu'intermittent musicien, vous composez? Oui, tout à fait. Oh, waouh. Alors, est-ce que vous avez de l'inspiration? Est-ce que ce confinement vous donne de l'inspiration? Alors oui, carrément, parce que en fait, je, comme je n'ai pas là en ce moment la pression entre guillemets de essayer de faire des cachets, puisque de toute façon, eh bien, on ne peut pas en faire. Eh bien, en fait, je pars de l'ennui. Du coup, je m'ennuie. Je me mets dans un état d'ennui. Comme ça, je pars de rien du tout. Je fais le vide. Et il s'avère que ça débouche sur des choses. Voilà. Et je suis dans un état créatif quand je suis ennuyé. Voilà. C'est vrai, de très belles choses arrivent quand on s'ennuie. Regardez la preuve, Ophélie, hein, qui a créé une radio. Au jour 1 du confinement. Mais ça, faut être honnête aussi, voilà. C'est un peu l'apanage des bons cons d'être capable de bien faire le vide aussi. Hein, donc. D'ailleurs, j'en profite, hein, Valentin, si vous voulez faire une chronique ou nous donner un petit message, un petit... Ou des jingles, hein, tout des simplement. Des jingles, oui, vraiment, mais ça vaut pour vous, mais ça vaut pour tous nos auditeurs. Hein, n'hésitez pas à nous envoyer vos petites conneries, c'est une radio participative. Hein. Au bout d'un moment, nous, on va se lasser, on n'aura plus rien à passer, donc... Carrément, ouais. J'essaierai de penser à des petits jingles. Ah bah ça serait super. Alors... Hein? Qu'est-ce qu'on nous demande ? Aurait-il participé à la composition de la chanson « Elle s'ennuie » de De Palmas ? C'est nul ! Ouais, il y a des gens dont on va arrêter de dire les blagues, hein, parce que si... Bon. Nini, sans être désagréable, la blague sur Larissa, on l'a bien aimée, sur Pierre Riverain, bien aimé, mais là, on sent que ça commence à être dur. Ne vous forcez pas, ça se sent de toute façon. Nini, si elle continue, elle va finir en live avec nous. Hein. C'est vrai. N'hésitez pas à poser vos questions à Valentin plutôt que faire des blagues. Des blagues. Là, vous nous voyez en train de faire des gros guillemets avec nos doigts. Qu'est-ce que je voulais ? J'avais une question. Ah oui, Valentin, est-ce que vous avez des copains intermittents qui actuellement étaient en passe de devoir renouveler ? C'est leur dernier mois. Est-ce que vous savez un petit peu comment ça va se passer pour les intermittents s'il y avoir un prolongement de la période Déjà, est-ce que vous pouvez expliquer comment vous faites pour renouveler votre intermittence ? Parce que tout le monde, nos auditeurs, ne savent pas en quoi ça consiste ou comment, en tout cas, ce statut existe. Et est-ce que vous avez des nouvelles sur le renouvellement pour ceux qui sont à leur fin de 10e mois là, actuellement ? Eh bien, je ne connais pas de personnes dans mon entourage qui étaient dans leur dernier mois, là. Mmh. Mais en gros, comment ça se passe ? Ben, en fait, il faut, pour avoir le statut intermittent, donc déjà, il y a deux régimes d'intermittence. Il y a le régime artiste et le régime technicien, qui sont deux régimes en fait, différents par rapport au taux horaire des cachets. Mmh. Voilà. Et du coup, en fait, il faut les mêmes conditions pour les deux régimes, c'est il faut rassembler en 12 mois 43 cachets ou 507 heures. D'accord. Voilà, c'est les conditions pour avoir le statut d'intermittent. Et puis après, en fait, tu as 12 mois pour rassembler encore ces conditions-là pour renouveler une nouvelle fois. Okay. Et en fait, quand tu as fait ton statut d'intermittent, tu as une date d'anniversaire. Donc moi, par exemple, c'est le 1er septembre. Et si j'ai rassemblé 43 cachets ou 507 heures au 1er septembre, eh bien, du coup, je renouvelle. Mmh. Et si j'ai rassemblé toutes ces conditions-là, par exemple, le 1er août, eh bien, ma date d'anniversaire glisse au 1er août. Et du coup, j'aurai encore jusqu'au 1er août d'après pour renouveler. Voilà, d'accord. Et ouais, du coup, vous n'avez pas eu vent d'éventuelles prolongations des périodes pour tous ceux qui devaient, dont la date anniversaire était par exemple le 1er avril, là, qui se retrouvent peut-être dans la merde. Non, en fait, je sais que, enfin, je crois que le, enfin, j'espère en tout cas que le ministre de la Culture est en discussion là-dessus, est en réflexion et du coup, je sais pas encore comment, enfin, s'il y a une décision de prise, je crois pas en tout cas, mais il y a eu des pétitions qui ont tourné là sur Facebook. D'accord. Et tout ça, sur les réseaux, pour justement, en fait, faire reculer, en fait, les dates d'anniversaire, en fait. D'accord. Bon, bah, faut espérer que tous ces intermittents finissent pas équipiers chez McDo et que notre ministre de la Culture prolonge la date. Et toi, là, pour l'instant, ça va ? Du coup, t'es comment par rapport à ta période, à toi ? Je suis... Je suis... Bah, juste justement cette période-là, en fait, là du printemps et tout, c'était une période très fructifiante au niveau des pour les intermittents, parce que il y a pas mal de tournages, les tournages recommencent. Il y a du coup des même pour le théâtre de rue aussi, ça commence au printemps en fait. Et même pour les tournées en tant que musicien et tout ça, bah ça commence pareil au printemps et tout. C'est une période très très productive, et du coup c'est totalement à l'arrêt. Donc, moi je devais être assistant à la mise en scène pour monter une pièce de théâtre pour une compagnie avec des collèges de quartier. Là en avril, et c'était annulé. Il y avait des concerts qu'on a dit aussi qui ont été annulés également. Alors d'ailleurs, en parlant de concerts, il y a Douglas Wilson, notre cher Doug, qui est à la fois actif par le Skype, mais également par le chat, puisque cet homme est extrêmement omnipotent. Il nous demande, c'est comment de jouer dans le groupe de Kemen? Parce que je rappelle, alors je vous êtes peut-être pas au courant, Valentin, mais officiellement, Kemen et Doug sont mariés. On a fait une cérémonie il y a une dizaine, il y a combien de temps? Il y a 8 ans, 10 ans? Je crois qu'il y a 8 ans. Ouais, il y a 8 ans, ouais. D'accord. C'était notre côté subversif. Sur nos amis, c'est incroyable. Ouais, c'était notre côté subversif, le mariage gay n'était pas encore en vigueur, on a fait ça devant la mairie de La Rouxière, on a fait une cérémonie ici, c'était un message fort. Alors du coup, comment c'est de jouer dans son groupe à Kemen? Bah écoute, c'est super parce que il fait tout. il arrive, il nous dit j'ai composé un nouveau morceau, toi tu fais ça, on le fait, on voit si ça marche, on a quand même la liberté de rajouter un peu, de faire un peu nos trucs là, puis après il nous redit je suis pas hyper fan ou ça, carrément c'est cool. Donc, en fait, il nous apporte toute la matière première, on va dire, et puis après, on l'arrange à quatre, quoi. Donc, c'est plutôt cool. Et alors, j'ai ouï dire que vous jouez avec Kemen, mais vous jouez pas que avec Kemen aussi, non? Vous avez votre groupe aussi? Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bien sûr, je suis... c'est un duo rock'n'roll acoustique, on va dire, et c'est un tribute de Tenacious D. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Tenacious D, allez voir, c'est le groupe de Jack Black, qui est acteur hollywoodien, et c'est vraiment un groupe de rock'n'roll un peu humoristique, on va dire, avec des petits messages très sympas derrière leurs morceaux un peu pipi caca. Et ils vont faire un film qui s'appelle The Peak of Destiny et tout ça, enfin voilà. Et du coup nous avec un copain, on fait un tribute de ce duo, on le reprend un peu à notre sauce, on y rajoute une dimension théâtrale aussi, puisque il y a de fait une dimension théâtrale dans leur groupe. Donc on essaie de faire connaître en fait le groupe Tenacious D un peu plus à plus de monde, on essaye en tout cas. Moi, je vous avais vu, c'était vachement bien. Pardon, Doug, vas-y. Merci, c'est cool. Ils étaient passés à Paris il y a pas si longtemps, il y a genre un ou deux mois, non? Ouais, Valentin y était d'ailleurs. J'y étais plein, tout devant. Valentin, on vous reprend juste après, on se passe un petit morceau qui sera pas du Tenacious D malheureusement, mais un truc joyeux et festif malgré tout, et on continue cette conversation juste après. Ça marche. Allez, ça part, c'est Johnny Utah, Honey Pie. Don't you stop, please. you're my girl, and I won't stop it until you're my girl, and you can't stop it until you're my girl, and I can't find out what you want, what you got. I got that honey pie, come buy it. Bring your own fork, girl, you know I don't provide it. Oh, girl, don't you stop taking enough honey, honey, honey pie. Can't stop it until you're my girl, and I can't find out what you want until you're my girl, and I won't stop it until you're my girl, and you can't stop it until you're my girl. Oh, girl, don't you stop taking enough honey, honey, honey pie, honey, honey, honey pie. Oh, girl, don't you stop taking enough honey. N'oubliez pas vos bottes, parce que ça caille aujourd'hui. Ça caille tous les jours par ici. On n'est pas à Miami. On en est même loin. Et il faut s'attendre à quelques problèmes de circulation ce soir avec ce, comment déjà, oui, ce blizzard. Blizzard, vous avez dit blizzard, comme c'est étrange. Eh bien, voici les prévisions. La météo nationale prévoit un super blizzard. Ça va décoiffer. Oui, ça va décoiffer, mais il y a une autre raison. Toujours en direct sur la radio des bons cons. Les bons cons, la bonne saucisse. Ça reste le slogan original, il me semble. Bah oui, c'est au bon con la bonne saucisse. Hein, c'est notre, ce sera notre épitaphe, je pense. C'est notre boîte de prod. J'avoue, c'est notre boîte de prod. La bonne saucisse présente. Alors, nous sommes toujours avec Valentin en ligne au bout du GSM. Valentin, vous allez toujours bien ? Je vais toujours bien au bout de mon GSM. Alors, moi j'avais une question. C'est vrai qu'on vous a pas demandé au niveau confinement comment ça se passe. Vous êtes tout seul ou vous êtes avec des gens avec vous? Je suis solo. Alors, comment ça se passe le confinement solo? Est-ce qu'on n'a pas tendance à se parler à soi-même au bout d'un moment? Eh bien, si, oui, c'est vrai. Ça m'arrive assez régulièrement, oui, de me parler tout seul. Est-ce qu'il vaut pas mieux se parler à soi-même que parler à des cons de toute façon? Comment ? Est-ce qu'il faut pas mieux se parler à soi-même que parler à des cons, de toute façon ? Oui, non, c'est sûr. De toute façon, là, des cons, on n'en croise pas à des masses. Hein, enfin. T'as un message à faire passer, Kevin ? Vous êtes tous des cons ! J'aimerais bien être à ta place, Valentin, j'en ai marre de les voir le matin. Non, excusez-moi, à côté. De parler à des bons cons le matin. Ah. Ah. Bien vu, bien vu. Bien à ta place. Triple pirouette. 10 sur 10. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, n'hésitez pas à poser vos questions, hein. On va pas tarder à laisser Valentin vaquer à ses occupations. Ah bah, c'est toi qui pose la question. Moi, je me permettrai pas de la poser, celle-là. Alors, il y a Nini qui nous demande un album de prévu dans le groupe de Kéman. Ah oui, un album de prévu, tout à fait. Tout à fait. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Est-ce qu'on peut avoir une exclue ou est-ce que c'est encore top secret? Non, bah, il est en préparation. Il reste une séance de mixage. Kéman, tu me coupes si je me gourre. Ouais, pas de souci. Il reste une séance de mixage et puis on est en train de réfléchir à l'ordre des morceaux qui vont s'enchaîner dans l'album. Voilà. Ok, donc peut-être que, alors là, peut-être pour Kéman, est-ce qu'on peut parier sur cet été, on pourra s'enjailler sur l'album? Non, il sortira pas cet été. À la base, on était plutôt parti sur septembre-octobre, mais là, donc pour la rentrée, on sait pas quand est-ce qu'on sortira. Enfin, il faut un plan comme avant, il faut sortir des singles avant avec des clips, et du coup, là, le confinement fait que... on se projette à très court terme, et puis quoi qu'il se passe, il sortira quand il devra sortir, et ce sera le bon moment, et parce que ce sera le moment où on aura mieux posé les choses. On a hâte d'entendre ça, on le relaiera sur mais la je peux peut-être juste passer un tout petit extrait, juste un, il y aura un moment, il y a un do dans l'album. Voilà. Alors, on est vraiment... Non, un ut, un do, quoi. Non, un do, on est plus, on fait pas du baroque non plus, monsieur, hein, on utilise des appellations courantes. Ah, du coup, c'est un si. Il y a beaucoup de mi aussi. Ah, il y a beaucoup de mi, ouais. Faut être honnête, il y a beaucoup de mi. La note qui a le plus dans l'album, c'est le mi. On est sur une exclue Radio des Bons Cons, premier sur le hit, premier sur les infos. Merci Valentin d'avoir été avec nous. C'est très sympa d'avoir accepté de participer à l'émission. Vous avez une petite dédicace à faire, un petit message à passer à quelqu'un ? Comment ? Une petite dédicace peut-être avant de nous quitter, un petit message à passer à quelqu'un ? Un message à passer au monde, alors on va dire, parce qu'on est tous dans le même bateau là. Donc, keep the pitch pour ce confinement, appelez les gens, aussi pour ceux qui sont solo, comme je le suis, appelez les gens, ça fait trop du bien. Moi je sais que j'appelle tous les jours des gens, appelez des gens différents aussi, profitez-en pour appeler des gens que vous n'appelez jamais, ça c'est trop bien. Quand vous dites des gens différents, c'est-à-dire des Arabes, des Noirs, des Blonds, des Roux ? Non, je parlais vraiment de l'humain dans... À l'intérieur de l'enveloppe corporelle, quoi. Exactement. Ah, ok, d'accord. Exactement, et des gens qu'on appelle jamais, des proches ou pas, justement, des gens que ça fait hyper longtemps qu'on n'avait pas appelés, ça fait toujours... Je profite en tout cas de cette période pour rappeler ces gens-là et tout ça... Voilà, alors, lors de ces appels quotidiens, Valentin, n'hésitez pas à parler de la radio des bons cons, parce que ça nous ferait un petit peu plus d'auditeurs, ça serait cool. Et justement, si on a créé cette radio, c'était pour être tous confinés, mais tous ensemble, dans la même grande maison que serait la radio des bons cons. Cool. Il y a Soko Souler qui nous dit « J'appelle des gens tous les jours, moi, à 16h. Ouais. » En effet, Ophélie fait le point confinement en direct tous les jours à 16h, où elle appelle des gens. Eh bien, merci Valentin d'avoir été avec nous. Merci à vous. À bientôt, à très vite. Zoubi, zoubi. À ciao. Bientôt, bonne continuation. Salut. Allez. Salut. Et avant de passer à la chronique musicale, on va s'écouter notre classique Philippe Catherine, la reprise Philippe Catherine, Francis et ses peintres, avec une des reprises de l'album 52 reprises dans l'espace. Et là, c'est le morceau DJ, reprise de Diams TMTC. Laisse. Moi qui fais la vibe avec mon mec, j'ai pas de temps à perdre dans des prises de tête. Pourquoi tu m'observes? Pourquoi tu me regardes? Tu veux mon mec ou quoi? Je te mets en garde. On touche pas à ça, on baisse les yeux. T'as cru que t'avais du style dans ton pot de pêche bleu? Mais meuf, j'ai le même. On a toutes le même, car on va tous se ruiner chez H&M. Je sais que je suis pas une bombe latine, ni que je suis pas une blonde platine. Je sais que tu veux pas que je t'égratine, tu galères. Bien, viens, je présente le DJ derrière les platines. Je sais que je suis pas une bombe latine, ni une blonde platine. DJ. Je sais que je suis pas une bombe latine, ni une blonde platine, DJ. Laisse-moi kiffer la vibe avec mon mec. Je suis pas d'humeur, est-ce qu'on me prenne la tête? J'ai mes soucis, donc s'il te plaît, arrête. Laisse-moi kiffer la vibe avec ceux que j'aime. Laisse-moi kiffer la vibe avec mon mec. Je suis pas d'humeur, est-ce qu'on me prenne la tête? J'ai mes soucis, donc s'il te plaît, arrête. Laisse-moi kiffer la vibe avec ceux que j'aime. J'suis pas d'humeur à ce qu'on me saoule, DJ. Y'a de la foule, donc mets-nous un son de fou. Pourquoi tu fais genre, je te vois venir avec tes belles jambes, tu te crois tout permis, mais baisse les yeux. Trouve-toi un autre mec, c'est mieux, laisse tomber le mien, sérieux. Rien que tu ris, rien que tu teases, rien que tu te prends pour Alicia Keys. Y'a trop de coquines, trop de pâles copies, de stars qui se la pètent entre copines, trop de minettes qui veulent se faire remarquer, trop de fillettes qui font les belles à peine débarquer. Je suis pas une bombe latine, ni une blonde platine, DJ. Je suis pas une bombe latine, ni une blonde latine, DJ. Laisse-moi kiffer la vibe avec mon mec. Je suis pas d'humeur, est-ce qu'on me prenne la tête? J'ai mes soucis, donc s'il te plaît, arrête. Laisse-moi kiffer la vibe avec ce que j'aime. Laisse-moi kiffer la vibe avec mon mec. Je suis pas d'humeur, est-ce qu'on me prenne la tête? J'ai mes soucis, donc s'il te plaît, arrête. Laisse-moi kiffer la vague avec ce que j'aime. Pas d'humeur à ce qu'on prenne la tête, non. Ni d'humeur à ce qu'on drague mon mec. Tu connais ni mon histoire, ni mes problèmes. Cherche-toi un motard ou un mec peine. Fais pas le mannequin, j'imagine déjà la tête que tu dois avoir le matin. Donc reste sage, ne me teste pas. Laisse-moi qui fait la vanne, ne me stresse pas. Tu fais la meuf in, mais nous on sait que t'as pompé ton style sur Beyoncé. J'suis pas une bombe latine, mais moi le DJ passe mon vinyle sur ses platines. J'suis pas une bombe latine, ni une bombe latine, DJ. J'suis pas une bombe latine, ni une bombe latine. Laisse-moi kiffer la vibe avec mon mec. J'suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. J'ai mes soucis donc s'il te plaît arrête. Laisse-moi kiffer la vibe avec ce que j'aime. Pas kiffer la vibe avec mon mec. J'suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. J'ai mes soucis donc s'il te plaît arrête. Laisse-moi kiffer la vibe avec ce que j'aime. Nous sommes... Bonjour. En guerre. Bonjour. En guerre. La matinale des bons cons. De 10h à 11h. Plus ou moins. Allez, on est toujours là. Chloé est déjà morte de rire, tellement notre humour est ravageur au bon Doug et moi. J'en ai marre de ces gens. Libérez-moi. Et pourtant, on est encore parti probablement pour 4 semaines, peut-être 6, peut-être 8. Enfin, l'avenir nous le dira. Peut-être qu'à un moment, au bout de 2-3 semaines, on demandera des salaires auprès de notre directrice des programmes, je sais pas. Peut-être qu'on pourra commencer à manifester, à faire des grèves. À se syndiquer. Ah oui, syndiquons-nous. Trêve d'espièglerie, de fourberie. De plaisanterie. C'est un peu sérieux quand même. On est une radio sérieuse. Hein. Non, la radio des bons cons, on en... Ok, non, y'a rien à dire. Oh la vache! On vous rappelle que vous pouvez toujours nous contacter via le Discord, le chat Discord que vous avez en page, que vous avez archivé, épinglé sur Facebook. Vous avez le lien pour le Discord, n'hésitez pas à vous connecter et à nous poser des questions en direct, on y répondra. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes sur la matinale des bons cons, il est 10h40. N'oubliez pas qu'en fin d'émission, on a toujours le jeu concours, donc préparez-vous, commencez déjà à ouvrir la petite page Facebook du groupe des bons cons, et regardez la dernière photo postée. Ah, ça me fait penser que je devais vous envoyer une photo, chère Mais Chloé, que j'ai complètement zappé. Je ne vous ai pas attendu, j'ai pris une photo que j'avais dans mon téléphone. Ah oui, très bien, ça va. Ah oui, d'accord, donc c'est une photo de moi qu'il faudra commenter aujourd'hui, pendant que je vous raconterai le film. Mais en attendant... Il y a Madame Mona qui nous demande si on a rêvé. Ouais, mais moi c'était sexuel, donc je vais le garder pour moi si ça vous dérange pas. Et moi je m'en souviens pas. Doug ? Moi non plus. Voilà, ça c'est... Allez, une bonne équipe de banque. Mais parlons musique, et je vais tâcher alors de vous faire rêver. Transition. Alors aujourd'hui, on va vous parler, référence au teaser d'il y a environ 30 minutes, de Tyler, the Creator. Steven Tyler, le créateur ? Non, juste de Tyler tout court, le créateur. Alors, il s'appelle Tyler Okinawa. C'est ça. C'est un jeune Californien de Oconma. Oconma, qu'est-ce que j'ai mélangé comme nom ? Ah là, c'est... il a notre âge, à Chloé et moi, tout simplement. Hein, ah, c'est-à-dire que... La meilleure année. Voilà. 46 ans. On peut couper tout de suite, hein, si on veut, le son d'Ougain. Je vous rappelle. C'est à ceci près que à 28 ans... Ah ben non, 29 d'ailleurs, on a passé son anniversaire. À 29 ans, cet homme-là est déjà réalisateur de ses propres clips. Il a environ 3 séries télé. Il a... on est sur 4 ou 5 albums. Il produit tout ce qu'il fait, il compose tout. Il a sa marque de fringues, il fait donc ses clips. Voilà, donc autant dire que nous, on a notre émission de radio matinale sur la radio des bons cons. Et voilà. Putain. Donc voilà, évidemment, hein, la vie n'est pas une course, hein. Mais ouais, si c'était le cas, nous on serait... Comment ? Techniquement, il a pas sa matinale, hein. Ah oui, non, techniquement, il a pas sa matinale. Après, bon, on peut, voilà, on a il, pas... Il y a d'autres choses pour lui, quoi. Il a une plus grande maison que nous, je pense. Déjà, mais... il a une maison. Donc voilà, Tyler, the Creator, c'est donc quelqu'un qui fait d'abord vraiment du hip-hop, qui sort un premier album qui s'appelle Bastard... Deux albums qui s'appellent Bastard et Goblin, et là, on est sur vraiment le principe hip-hop. On a des petites instrus un peu discrètes, mais qui ne varient pas, et c'est un mec qui lâche son flow. On a des paroles un peu agressives, hein, c'est... voilà, il faut quand même savoir que le Tyler, the Creator en question s'est fait bannir pendant 5 ans du territoire britannique pour son vocabulaire peu châtié. Il a tendance à utiliser des termes comme fagot, qui sont relativement homophobes, très très souvent. Nigger, mais étant donné que lui-même étant black, ça par contre on lui pardonne. Voilà, donc c'est quelqu'un qui aime la provoque, qui aime mettre mal à l'aise les gens. Il suffit pour ça de regarder ses clips, hein. On est sur du glauque parfois, sur du malaisant, et évidemment quand on l'accuse de quelque chose, il va jouer avec ça, il va toujours surenchérir. C'est quelqu'un qui aime bien avoir le dernier mot. Donc voilà, ces deux premiers albums qui sont très hip-hop, qui sont très dans le délire mixtape, donc bon, c'est quelque chose qu'il faut aimer. Moi personnellement, j'ai découvert Tyler, the Creator avec l'album qui s'appelle Wolf, qui est techniquement son troisième, mais qui en est un où il a vraiment commencé à travailler de production et à travailler davantage sur son instrumentalisation plutôt que simplement sur son flow. C'est aussi à partir de là, hein, qu'il se distancie un petit peu des codes vraiment hip-hop. Voilà, et on ressent certaines influences sur ce premier album, grosse influence de Pharrell Williams, complètement, et de Kanye West. Donc on va écouter d'ailleurs un morceau de ce premier album pour se lancer tranquillement dans l'univers de Tyler, the Creator, qui s'appelle Answer, et justement avec un featuring de Pharrell Williams, qui pour le coup, je pourrais pas être désagréable, mais son featuring, voilà, les textes écrits pour ce feat, ça casse pas trois pattes à un canard, voilà. Mais cette chanson est quand même magnifique. C'est Tyler, the Creator, qui part de sa relation avec son père, qui l'a abandonné assez tôt, et c'est quelque chose d'assez poignant. Voilà, il n'hésite pas à rapper à cœur ouvert, comme on dit. Voilà, on écoute ça tout de suite. Dad, it's me, I'm Tyler, I think I be your son, sorry, I called you the wrong name, see, my brain's splitting, dad isn't your name, see, Daggett's a little more fitting, mama's only 20 when you ain't have any fucks to spare, you Nigerian fuck, now I'm stuck with this shitty facial hair, also stuck with a beautiful home with a case of stairs, see you not being there, fucking fire started my damn career, but fuck it, I got Clancy Heat. Gave me the chance to see a world I wasn't supposed to. I'm stoked that I didn't know you, but sucks you ain't give a fuck and considered a sperm donor now. Fuck is in no coma. I'm changing my shit to Haley, and I just ain't being passive, nigga. You a fucking faggot, nigga. Got a show on Monday. Guess you ain't getting no passes, nigga. But if I ever had the chance to ask this nigga and call him, I hope he answers. Fucking dick and swallow this case of nuts. Ace, hate your guts, I'm a selfish fuck, and I ain't sharing green as if I'm facing blunts. Frank is out the closet, Hodges an alcoholic. Sid might be bipolar, but fuck it, I couldn't call it. Supposed to be gone till November, but quickly came back in August. I left 2 months through September to clearly remember August. I would like to tell my grandma, but she just nostalgia. I'll call her number, but she won't answer. You claim to hate my fucking guts, but say I'm on an island in Thailand and I was wildin'. And if I got stranded, had to man up and hold my nuts and hope that I could live off salt water and fucking coconuts. Phone ain't got no service, this 3G is fucking worthless. Day is getting dark like the area's turning urban. You'll be fucking nervous like me inside of a church's, but I'ma get in contact regardless, and I hope you answer. Last verse was about this girl. C'était donc Answer de Tyler the Creator qui est sur l'album Wolf, que je vous conseille d'écouter, qui est assez intéressant. Alors avec Tyler the Creator, ce qu'il faut savoir, c'est quand même sur un mec qui a beaucoup de personnages, beaucoup d'alter ego. Il suffit de regarder un générique de ses clips, on voit plein de noms différents, réalisations, costumes, tout ça, et en fait c'est que lui. Et dans cet album, Wolf, on a des moments de narration, parce que lui-même joue plusieurs personnages. Alors Wolf, c'est un de ses alter ego, un peu badass, un peu je m'en fous, mais il y en a plein d'autres, et il y a des moments, ces passages un peu bizarres, avec des fonds instrumentaux, où lui se parle à lui-même, mais c'est différents personnages. Donc à chaque fois, il essaye de créer ça dans ses albums, à partir de Wolf en tout cas, de créer une trame narrative, un espèce d'enchaînement, des choses qui se disent, qui se passent, en fonction de ses personnages, ses alter-ego qui s'affrontent. Donc c'est aussi là-dessus qu'il se cache, hein, derrière ses... qui se justifie en tout cas pour ses propos provocateurs, c'est qu'en fait, ce sont ses personnages. Et effectivement, hein, c'est hyper compliqué de comprendre qui est vraiment Tyler the Creator, parce qu'il a l'air d'être beaucoup, beaucoup de personnes en même temps. D'où son besoin de s'exprimer avec plein de séries différentes, avec des personnages plus ou moins barrés, influencés par lui. Il a eu une chaîne, enfin il a eu des vidéos, voilà, il a fait des vidéos sur Adult Swim, qui est un network américain plutôt politiquement incorrect. Il a d'ailleurs fait une super vidéo, une chanson qui s'appelle Granny avec Mac DeMarco, sur l'amour gérontophile, on va dire ça comme ça. Tout est lié. Voilà. Quoi d'autre, qu'est-ce que... Voilà, il a des fringues qui sont super, qui sont assez stylées, très colorées, moi j'aime beaucoup son style. Ses pochettes d'albums sont aussi châtiées, hein, je vous les conseille. Là, la pochette de Wolf, c'est par exemple une espèce de photo de famille un peu bizarre, l'espèce de fond un peu crado qu'on peut voir. Lui au premier plan et une version un peu plus jeune de lui avec une fausse perruque, des bouclettes et une casquette, c'est à la fois malaisant et marrant. Et donc, il a gagné en notoriété avec... il a sorti un autre album, Cherry Bomb, juste après. On va pas vous en passer d'extrait, qui est barré, qui est aussi pas mal. On est sur des trucs avec des passages un peu rock, là. Il y a des guitares électriques qui arrivent. Il s'entoure encore une fois de beaucoup de personnes. Donc, Tyler, the Creator, il a tout un gang, il produit plein de gens, et il a toujours plein de featuring de malades. Donc ça, c'est Cherry Bomb, qui est sorti en 2015. Donc il y a Kanye West qui participe, Lil Wayne, notamment. Et alors, un album qui va un peu plus exploser, c'est Flower Boy, sorti en 2017. Et là, ça grimpe un petit peu plus dans les charts, ça impressionne un peu plus. Et bizarrement, il s'éloigne du hip-hop, on est plus sur des trucs pop R&B, et ça devient assez intéressant. Et à partir de Flower Boy, l'ambiguïté éclate. Lui qu'on a accusé d'être homophobe, en fait, laisse planer le doute sur son homosexualité. Mais encore une fois, personne ne sait réellement de quel bord il est, parce qu'en fait, il joue tellement avec ce jeu de personnages, d'alias, qu'en fait, on n'arrive plus du tout à démêler le vrai du faux. Ce qui fait qu'en termes de com', il a une liberté presque infinie, parce qu'il peut tout dire, puisqu'en fait, Il est plein de monde en même temps, c'est un grand malade. Donc je vais vous faire écouter See You Again, on s'éloigne du côté hip-hop et là on arrive sur des trucs un peu plus catchy, ça va peut-être vous plaire. Moi je sais que c'est quand c'est sorti en 2017, mais je l'ai poncé ce single encore et encore. Ça donne envie de sautiller et c'est un featuring avec Tali Uchis, qui est une chanteuse colombienne qui toute seule fait pas des trucs de ouf, je trouve. Mais voilà, encore une fois, Taylor The Creator, il sait embellir n'importe quel artiste pour des collaborations assez folles. Donc on s'écoute ça, ça va vous faire bouger votre petit cul pour se tonifier pour ce début de journée. Ok. You live in my dream step, we look at my fantasy, I stay in reality. You live in my dream state, anytime I count sheep, that's the only time we make up, make up. You exist behind my eyelids, no, I don't wanna wake up. 2020 vision, Cupid hit me with precision. I wonder if you look both ways when you cross my mind. I said I'm sick of chasing. You're the one that's always running through my daydream. I can only see your face when I close my eyes. Can I get a kiss? And can you make it last forever? I said I'm about to go to war, and I don't know if I'm gonna see you again. Can I get a kiss? And can you make it last forever? It's been about your world, you walk. And I don't know if I'ma see you again. I said, okay, dookie. My infatuation interlinking to another form of what you call it. Oh yeah, I ain't met you. I've been looking, stuck and waiting for. I stopped the chasing like an alcoholic. You don't understand me, what the fuck do you mean? It's them roasted and cheeks, yeah, it's them dirt colored eyes. Sugar, honey, iced tea, bumblebee on the scene. Yeah, I give up my bakery to have a piece of your pie. Ugh. 2020 visions. Cupid hit me with precision. I wonder if you look both ways when you cross my eyes. I said I'm sick of chasing. You're the one that's always running through my daydream. I can only see your face when I close my eyes. So can I get a kiss? And can you make it last forever? I said I'm about to go to war. I don't know if I'm gonna see you again. Can I get a kiss? And can you make it last forever? I said I'm about to go to war. And I don't know if I'm gonna see you again. Alors on se laisse porter, on a envie de chanter évidemment hein, quand on écoute cette chanson, et voilà, et désolé pour ma voix de crécelle du matin, mais c'est cadeau ça. Voilà. Donc voilà, oui, on a un petit message sur le chat de Joseph qui nous dit: le doc de la production de Cherry Bomb est fou, hein. Je connais personnellement ce Joseph, c'est un aficionado de Tyler The Creator, et effectivement, sur les internets, notamment le YouTube, vous pouvez trouver beaucoup de vidéos de Tyler The Creator en train de composer. Parce qu'à l'instar du Mac DeMarco dont je vous parlais hier, Tyler The Creator, c'est le roi du bricolage, du DIY, du fait maison, du enregistré avec mes couilles et mon âme. Et ça donne ça donne des morceaux assez fous. Et c'est là que je vais en venir à ce dernier album, Igor, qui est sorti en 2019. Pour moi, c'est clairement l'album que j'ai le plus poncé en 2019. Là, il y a eu l'album de Mac DeMarco dont j'étais méga fan, mais Igor, c'est un album fou. Depuis, Tyler The Creator joue sur scène avec une perruque blonde au carré, donc faut imaginer ça, venant d'un... porté par un black de taille assez grande, plutôt effilée, voilà. Ça donne quelque chose d'assez comique, mais cet album, Igor, est monstrueux, donc encore une fois, on ne sait pas grand-chose de la vie personnelle, en tout cas sentimentale de Tyler. Il joue encore l'ambiguïté sur sa sexualité, entre attirance pour les hommes ou pour les femmes, mais cet album joue encore là-dessus, sur ses codes. Mais en tout cas, ce qu'il nous raconte, et peu importe en fait qui est le véhicule, ce transport. Alors ça. Non, mais ceci, ce sont des vrais mots, ça parle d'amour, voilà, qui sont les cibles, c'était moi, si vous préférez. Mais cet album raconte une rupture, toutes les phases d'une rupture. Vous avez du début le déni en fait amoureux, c'est-à-dire on croit encore qu'il peut se passer quelque chose, on veut encore croire que l'amour suffit à s'aimer, alors qu'en fait il y a bien plus, il y a la compréhension mutuelle, l'accomplissement de ses besoins, l'épanouissement personnel. Et tout cet album, c'est le déroulé de petites réalisations, de petites épiphanies qui nous font comprendre que l'amour est mort, la relation est finie, jusqu'à ce dernier morceau qui s'appelle « Are we still friends ?» qui dit bien que même quand on ne s'aime plus d'amour, peut-être qu'on peut s'aimer autrement, mais peut-être pas, peut-être que c'est déjà trop tard. Et c'est ça qui est assez fort avec cet album, c'est que Tyler, The Creator, a poussé cette fois la narration en voulant vraiment faire un concept album, c'est-à-dire un album qui raconte à lui seul entièrement une histoire. Et c'est un album qui lui a valu un Grammy d'ailleurs, hein, la première fois qu'il le remporte, du meilleur album hip-hop. Il faut savoir que c'est le premier album depuis plusieurs décennies qui reçoit ce prix, où une seule personne a été à la composition et production. Donc évidemment, pour le mastering et pour des petits détails, voilà, il a eu des coups de main d'ingé son, mais c'est la première fois qu'un artiste, un rappeur, fait toute sa prod, voilà, de A à Z, de A à Y, disons, hein, le Z, il y a un petit ingé son qui l'a aidé pour le mastering, des détails. Donc c'est un homme assez impressionnant quand même, hein, ce Tyler, The Creator. Tu dis c'est le seul, mais je crois qu'il y a Jul aussi qui fait pareil. Non, je crois que Jul, il fait seulement les cafés en studio, hein. Ouais, mais ça fait 3 albums. Et beaucoup de mailles. Donc voilà, pour finir cette petite chronique musicale qui est longue, mais parce que c'est un artiste assez fou. Voilà, posez-vous, si vous devez écouter un album de A à Z, je pense que Igor, son dernier, c'est le plus monstrueux, c'est le plus accessible parce que c'en est un pack purement hip-hop. Là, il aime la soul, il aime beaucoup aussi la pop, et il ne rappe quasiment plus, hein, Tyler, The Creator, mais en fait, il produit comme un génie, comme un malade. On a encore Kanye West sur cet album, on a Jack White qui se serait caché quelque part, Santigold, et moult guests qui ne sont même pas crédités, tellement Tyler, il est au-dessus de ça maintenant, quoi. Voilà, il n'a pas besoin de Kanye West pour faire sa promo, quoi. Et voilà, ce mec-là a eu un Grammy avec cet album. Donc on écoute le premier single qui était sorti, qui s'appelle Earthquake, deuxième chanson de l'album. Donc on est encore dans l'illusion que l'amour dure toujours. Don't leave, it's my fault. of sign formation. So I didn't even know about that, cause I'm for real. I said, don't leave, it's my fault. I said, don't leave, it's my fault. Bonjour. Guten Tag. Buongiorno. Hola. Good morning. T'en veux plus de rester chez moi? On est de retour dans la matinale. Voilà, bon voilà, petite chronique musicale sur Tailleurs et Créateurs. D'ailleurs, il est dans la saison 2 de Kidding, hein, pour les fans de Michel Gondry. Mais voilà, on en a assez parlé de ce mec-là, c'est bon, il va prendre un boulard de ouf après, Tyler. Alors, on va reprendre un peu vos messages sur Discord. Eh bien, écoutez, on a quelqu'un qui... On a un rêve, hein, vu que nous, on n'en avait pas, on a un rêve, alors je vous le lis. Oh, yeah, the dream. C'est pas ma cam qui nous dit. J'ai rêvé que j'allais faire des courses en voiture avec des collègues. Le conducteur avait oublié ses lunettes et du coup mes deux collègues étaient tous les deux au volant. Logique. On a croisé plein de bus de flics et de barrages parce qu'en fait le confinement était une excuse pour que les flics soient tranquilles pépouzes à se retrouver pour se faire des méga apéro flunch. C'est peut-être une pratique dans la police, qu'en sais-je. Et du coup, les flics nous voyaient passer avec deux personnes au volant mais ne nous arrêtaient pas en se disant... C'est mort, les autres ne les ont pas arrêtés, pourquoi on s'emmerderait à les arrêter? Voilà, je trouve cette mauvaise volonté de la part de la police affligeante. Nous sommes d'accord, c'est pas ma cam, c'est affligeant le comportement de la police. On a des petits messages, Christophe Maé est sur le chat, nous dit salut à tous. Hubert Félix Typhon nous dit « Chloé, quel bonheur de se réveiller avec votre rire sincère tous les matins. J'aimerais que ce soit ainsi pour le reste de mon existence. » Ah, oh, vous êtes si mignon, Hubert Félix Typhon. Alors là, Damien, je crois que nous deux, on pue de la gueule. Hein. Je crois qu'il doit y avoir un truc comme ça, là. Mais... Ouais, non, mais en même temps, j'ai bu du café qui était froid à la fin, donc... Je comprends. On arrive sur la fin de l'émission, hein, mais bien sûr, nous ne pouvons pas nous quitter sans notre rendez-vous quotidien filmographique de Kéman. Mm-hmm. Donc, ouvrez la page Facebook des bons cons. Voilà, hein, vous ouvrez la page Facebook, c'est maintenant. It's now. It's now or never. Vous allez sur le dernier post, donc apparemment c'est une photo de moi. Est-ce que je peux la voir peut-être? C'est celle que vous m'aviez montrée hier soir pendant notre club débrief. Ah oui, magnifique. Voilà. J'ai exactement cette tête actuellement, sachez-le. Hein, voilà. À peu de choses près, ouais. C'est ça. Il y a une capuche qui cache les cheveux gras, mais on sait qu'ils sont là. La mèche n'est pas grasse. Ah ouais, mais non. Parce que je me coiffe plus depuis quelques jours déjà. Peut-être en attendant que vous ouvriez votre page Facebook, Damien, vous pouvez nous faire le débrief number one du petit documentaire que vous avez vu hier soir? Ouais, alors du coup, donc je rappelle, le documentaire s'appelle Behind the Curve, et donc en fait c'est une investigation à travers la communauté platiste américaine. Vous pouvez redire qui sont les platistes, parce que moi j'avais pas compris. Les platistes, ce sont un groupe de personnes qui défendent la théorie comme quoi la Terre serait plate. Et donc en fait, dans ce documentaire, c'est quelqu'un qui ne parle pas, qui filme juste. Attends, je ne vous entends plus, donc c'est un peu stressant. Non, c'est normal, on vous écoute attentivement. Ouais, du coup, c'est quelqu'un qui est juste caméra sur l'épaule et qui fait aucun commentaire et qui s'immisce dans cette communauté-là. Et donc, pour le début, cette première partie-là que j'ai vue, c'était assez rigolo parce que donc, c'est vraiment genre une communauté complètement isolée du reste du monde où ils ont leur petit groupe de discussion, leur petit site de rencontre personnel. Donc, c'est vraiment genre meet flat guys, flat earth guys in your region, quoi. Et ils ont aussi leur petit schisme interne où il y a des espèces de rockstars de la Terre plate qui s'engueulent. Et donc c'est assez rigolo à voir. Franchement, c'est hallucinant à quel point ces gens sont complètement tarés. Donc je vous conseille vivement de le regarder. moi ce soir je vais essayer de le finir et je vous ferai le débrief de la deuxième partie. Trop hâte. On veut des anecdotes croustillantes là, parce que vous avez raconté un petit peu hors antenne et c'est vrai que ça fait rêver. Bah ouais, alors donc le mec va filmer aussi des gens de d'université, hein, des astrophysiciens, des physiciens, des psychiatres aussi. Parce que clairement, c'est des gens qui ont un peu un souci, qui sont dans le rejet de la pensée globale. Et donc en fait, c'est des gens qui ont suivi énormément de complots, qu'ils soient contre le gouvernement et tout ça. Et en fait, vu qu'à chaque fois, ils se font démonter leurs complots, ils filent de complot en complot et ils finissent à chaque fois sur la Terre plate, qui est le seul qui n'est pas vraiment d'intérêt, parce que en fait, clairement, si la Terre est ronde ou plate, techniquement, ça change pas grand chose à ta vie. Et donc, c'est pour ça qu'ils restent collés dessus. Et donc, notamment, il y a un des gars qui s'appelle Mark Stagner, je crois. Mais il porte bien son nom. qui a passé une journée à regarder la carte des vols commerciaux pour voir s'il y avait des avions qui passaient par l'hémisphère sud, parce que donc dans leur complot, donc, la Terre est un disque et en fait on a l'Antarctique qui fait tout le tour du disque, un peu comme le mur de Game of Thrones. et du coup il arrive au bout d'une journée en disant ouais, il n'y a aucun vol qui passe par là, donc ma théorie est vérifiée. Et en fait le mec qui filme va voir juste après une astrophysicienne qui en 5 secondes constate qu'il y a un vol qui doit faire le cap jusqu'à Auckland, donc Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande. Et puis il est complètement con en fait. Donc il y a plein de petits trucs comme ça où genre pendant 2 secondes ils arrivent limite à te dire ouais, mais en fait ils sont trop organisés, puis en fait toutes les 2 secondes il y a un désamorçage comme ça. Bon bah en tout cas ça intéresse bien, moi je pense que j'irai mater ça. Ils sont vraiment très très cons ces gens. Ah, ça... Franchement je pense qu'on peut on peut facilement regarder ça avec un petit pack de bière, et puis à chaque fois qu'il y a une grosse connerie on trinque, et puis je pense qu'au bout de 15 minutes on est déjà complètement HS. Bonne stratégie pour se divertir pendant ce temps de confinement. Pour se résumer. Attends, si, y a un petit dernier truc qui est super drôle aussi, c'est ouais. Qu'il y a un gars qui témoignait, il se disait qu'il se trouvait un peu comme dans Fight Club, donc le groupe de personnes. Et à tel point qu'une fois, il passait un contrôle aérien dans un aéroport. Et en gros, le mec qui passait sa carte d'identité, son passeport, a vu son nom. Et du coup, il l'a regardé, il lui a fait un clin d'œil en mode « moi aussi, j'en suis ». Et du coup, apparemment, il lui a passé son sac sans regarder ce qu'il y avait dedans. Quoi. Que ça, c'est, par contre, c'est un peu badant. Waouh. Ok, d'accord. Putain, c'est clair. Donc, il y a des mecs dans les aéroports. Ils se reconnaissent entre eux, quoi. C'est horrible. C'est complètement gueudin. Oh, vous utilisez des mots de Jens. Oh là là, 1986 vient d'appeler, il demande son expression de retour. Ah ouais, 1995 demande que tu rendes cette expression. Ça clash, alors ça j'espère que vous avez eu tous le temps, hein, pendant le résumé de ce documentaire platiste. D'être allé. Putain, mais on n'avait vraiment pas à parler aujourd'hui. Hein. Moi, ben, vraiment parler. C'est un peu border, ça, dis donc. Peut-être qu'il serait temps d'enchaîner son. Vous en avez fait plein, hyper border. Non, je vois pas de quoi vous voulez dire, franchement. Repassez la bande, vous verrez bien que c'est vous qui êtes complètement à côté de la plaque. Hein. En tout cas, allez sur la page Facebook des bons cons, prenez la dernière publication où c'est Kemal qui fait un gros doigt. Et soyez prêts pour le résumé du film que Kemen a vu. Alors j'en profite avant que Kemen nous fasse le résumé. Je passe la dédicace de la personne qui a gagné hier. Cette personne, c'était Ophélie. Elle dit « Merci Chloé et Kemen de nous réveiller tous les matins et merci de m'avoir accordé ma victoire qui était, selon moi, totalement méritée. Je continuerai à participer au jeu, directrice ou non. Je voudrais juste faire un gros bisou à mes parents et à tous les bons cons qui me manquent très fort. Également, énorme bisou aux bons vieux cons. Pour finir, big up au collège René Guicadou et au lycée Joubert. PS, je veux la chronique métronomie. Bon, bah ça part pour demain, ce sera chronique métronomie. Allez, hop. Alors Kéman, de quel film vous allez nous parler aujourd'hui? C'était quoi l'histoire? Oh, j'ai vu un film, ça devait être une fresque politique, mais je regarde beaucoup de fresques politiques, on va pas se mentir. Hein. Un truc un peu engagé. Je crois que c'était en Angleterre. Ça se passait vers Londres ou je sais plus. Enfin bref, en Angleterre, de toute façon en Angleterre tout se ressemble. Pour moi tout est Londres en Angleterre, voilà. C'était un genre de truc sous fond de crise des réfugiés, je pense. Un truc comme ça, parce que il y avait plein de types qui se retrouvaient un peu à être un peu reclus, quoi. À vivre dans les bas-fonds, à vivre dans des coins isolés. C'était l'hiver en plus, il neigeait à mort. Oh, putain, le temps de merde. Il se les pelait et je crois qu'il finissait dans un genre de... Il y avait à vue de nez une centaine de réfugiés qui vivaient dans un vieux manoir et qui allait être exploité clairement. Alors je crois que c'était un truc du genre ils allaient finir par bosser dans une usine de textile, un truc comme ça. C'était vraiment... moi ça me faisait penser à tous ces Syriens qui fuient la guerre en fait, quoi. Je me suis dit... On n'arrivait pas... C'était pas évident de... Si je dis pas de bêtises, ils venaient du bord de l'Adriatique peut-être, ces ouvriers-là, je sais pas, j'arrivais pas bien à déterminer l'origine, mais bon, ouais, non, mais c'est ça, et puis en fait, il y avait une espèce de, c'était une PDGère qui devait tenir la boîte, je sais pas si c'était Nike, Adidas, mais c'était un truc de textile, en tout cas, bref, c'était, putain, mais c'est pas possible, mais, on a déjà des vainqueurs, effectivement. Je vais continuer mon histoire et puis je vais donner la parole au vainqueur. Je vais annoncer les vainqueurs ensuite, mais voilà. Merci de me rafraîchir la mémoire tous les jours. En tout cas, ça fait du bien. Donc oui, effectivement, je crois qu'ils venaient. Ces ouvriers qui allaient finir dans le textile. Là, c'était des. C'est bon. Vous l'avez, Chloé. Voilà. Et ils étaient maintenant que j'y pense, ils devaient bien être 101 pile poil. Je sais pas pourquoi c'était un espèce de leitmotiv dans le film, un truc, une obsession du réal. Alors je sais pas pourquoi, est-ce que ça avait un message politique fort? Et ouais, bah ils venaient de Croatie, je crois, un truc comme ça, un truc de ce délire. Donc moi je m'étais dit plutôt Moyen-Orient, ok, mais d'accord, Dalmatie, pourquoi pas. Ouais, et la PDGR, elle s'appelait Glenn Close. Non, c'était pas Glenn Close. Non, c'était... comment elle s'appelait Mais Glenn Close, c'est elle qui la joue, mais je sais plus c'était con. Ah, Cruella d'Enfer. Voilà, Cruella d'Enfer. Voilà. Donc effectivement, hein, mais les petits cocos, merci de m'avoir rafraîchi la mémoire. C'était les 100 Adalmatiens. Ophélie Soulard, qui impressionne tout le monde, évidemment, parce qu'elle est trop au taquet. Mais alors, ça se trouve, est-ce qu'elle a pas moyen d'écouter avant tout le monde, en fait, vu qu'elle est la chef de radio? Parce que vous devez avoir, les auditeurs, un décalage de 30 secondes entre ce que je dis et le moment où ça arrive à vos oreilles. Est-ce qu'Ophélie Souko, vous seriez pas en train de gruger en passant par les truchements des directs, tout ça? Bah, toujours est-il que Ophélie Soulard, avec tout le respect que je vous dois pour tout ce que vous faites au sein de cette radio, pour cette idée que vous avez instiguée, bref, l'échage de pompe, on va peut-être passer au deuxième vainqueur, qui est quasiment simultané, mais qui, pour le coup, n'a pas gagné. À deux secondes, vraiment. Joseph Goldwyn Mayer, qui a également deviné, c'était bien les 100 Adalmatiens, hein. Joseph Goldwyn Mayer, vous nous enverrez un petit SMS et puis demain on passera la dédicace qui vous siera pour la passer dans la matinale. Et puis bah pour ma part, merci tous les jours de me remémorer les films que j'ai vus dont je ne me rappelle pas bien l'intrigue. On va se dire au revoir, le bon Doug, un petit mot pour la fin. Circonstanciel. Ah, je croyais que vous alliez dire circoncision, donc très bon choix. Ah. Et non, j'ai fait une petite feinte. Chloé, un petit mot? Pédiluve. Très bien, et moi je dirais polenta. Et on s'est quitte avec Rachita, douce France. Carte de séjour, putain, en plus j'ai fait la morale. Voilà, donc je reste sur polenta. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans parole, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, chérie de mon enfance, bercée de tant d'insouciance. La radio des bons cons, la radio des bons cons finis, mais pas finaux, la radio des bons cons.